Première partie, la citadelle. Chapitre 1. L'eau du Nord, mammifère puissant et extrêmement intelligent qui chasse en meute. Il est plus redoutable qu'un ogre et presque autant qu'une goule. Il ne s'intéresse heureusement que très peu aux hommes et à leurs activités, sauf quand il a faim. Encyclopédie du savoir et du pouvoir. Bjorn, est-ce normal qu'il neige en été ? Le chevalier gratta sur son menton les quelques poils qu'il essayait de transformer en barbe. « Je n'en sais rien, Ewilan. Je n'en sais fiche trop rien !» déclara-t-il finalement. « Nous arrivons dans les marches du Nord, le pays des frontaliers. De nombreuses légendes courent au sujet de cette contrée, mais une chose est sûre, rien n'y est comme ailleurs. » Camille soupira, et un nuage de vapeur se forma devant son visage avant d'être balayé par la bise qui soufflait des montagnes. Elle avait beau être emmitouflée dans une épaisse cape de laine, la tête couverte d'une capuche fourrée, le froid la transperçait. Et elle était certaine qu'au moindre choc, ses doigts allaient se briser en mille morceaux. Devant elle, la couleur de l'herbe et des arbres s'estompait sous une fine couche de neige encore diaphane. Le ciel était sombre et le soleil totalement voilé. Les premiers flocons s'étaient mis à tomber en début d'après-midi, achevant d'accorder le paysage à son humeur. Pour la énième fois de la journée, elle se remémora le départ de Salim et, pour la énième fois, elle serra les mâchoires pour ne pas crier. Ils étaient partis tôt, après des adieux qu'Elana avait voulu brefs afin qu'ils soient moins douloureux. Cela n'avait pas empêché Bjorn de pleurer, ni les larmes de briller dans bien des regards. Salim, contrairement à son habitude, n'avait rien dit, ou presque. Les yeux dans le vague comme s'il fuyait volontairement une réalité impossible à supporter, il évitait soigneusement de s'approcher de Camille. Il avait jeté son sac sur ses épaules sans paraître éprouver d'émotion particulière, et ce n'est qu'après avoir fait quelques pas qu'il avait éclaté. « 3 ans, pas un jour de plus, je te le jure, Camille !» Puis, il s'était tourné vers Elana. Alors qu'est-ce que t'attends? Il faut partir, c'est l'heure! La jeune marchombre avait inspiré longuement. Son attitude témoignait de son déchirement. Ses yeux allaient et venaient de Salim à Camille, de Camille à Salim, s'arrêtant parfois sur Edwin qui la regardait fixement. Elle avait ouvert la bouche comme pour parler, puis s'était ravisée et avait saisi les rênes de son cheval. Allons-y, avait-elle lancé d'une voix hésitante. Murmure marchant derrière eux, ils s'étaient éloignés vers le sud sans se retourner, et Camille avait senti son cœur se froisser comme un vulgaire bout de papier. Bjorn et Maniel avaient décidé de gagner la citadelle pour rejoindre les armées impériales, mais Artis Valpierre et Chiamvit n'avaient pas tardé à faire leurs adieux. « Nous devoir retraverser les plateaux d'Astariul », avait expliqué le Faël. Vous ne pas être étonné que nous vouloir avancer vite et profiter de toutes les heures de la journée. Ce serait plus sage, en effet, avait confirmé Edwin. Soyez prudents. Les goules, même si elles s'avèrent les plus dangereuses, ne sont pas les seules créatures à hanter Astariul. Chiam avait haussé les épaules d'un air désinvolte, tandis que le rêveur s'approchait de Camille. Au revoir, demoiselle. Mes pensées t'accompagnent, je suis certain que tu retrouveras tes parents. » Elle l'avait embrassé sur les deux joues, ce qu'il avait fait s'empourprer, et ils s'étaient séparés. 3 jours s'étaient écoulés, mais le groupe avait des difficultés à retrouver son équilibre. L'éveil des figés et l'espoir qu'il apportait ne gommaient pas la détresse de Camille et l'étrange morosité d'Edwin. Maître Duhaume, qui menait l'attelage, avait perdu l'envie de discuter. Et les pauvres tentatives de plaisanterie de Bjorn et Maniel tombaient le plus souvent à plat. Camille oubliait sa quête. Malgré son désir de retrouver ses parents, l'image de Salim la hantait. Ils avaient partagé tant de choses que, sans lui, elle se trouvait comme amputée d'une part de son être. Elle souffrait de son absence et se reprochait sans cesse de n'avoir pas su le retenir. Son exubérance lui manquait, ses mots, sa constante bonne humeur. Un écart de sa monture l'attira de ses sombres réflexions. La jument pommelée était nerveuse. et elle essaya de la calmer. « Tout doux, aquarelle !» chantonna-t-elle. « Tout doux !» À leur tour, les étalons de Bjorn et Maniel piaffèrent, tandis que Cocotte et Bourrichon, les chevaux de l'attelage, secouaient leur harnais. Ortie, qui suivait attaché au chariot, poussa un long hennissement. Après une courte discussion, il avait été décidé que la jument surnuméraire qui les accompagnait depuis Alget resterait avec le gros de la troupe. Salim ne savait pas monter, et Maniel ou Bjorn risquaient fort d'avoir besoin d'un cheval de rechange. Elana avait tranché en disant qu'elle trouverait une monture pour Salim lorsqu'il serait prêt. Edwin n'avait pas insisté, car Ortie était une jument rétive, prompte à s'affoler. Elle était d'ailleurs en train d'en faire la démonstration, amplifiant le trouble des autres animaux. Camille se tourna vers ses amis. « Pourquoi s'agit-il ? » « Ils sentent quelque chose qui nous échappe et qui les effraie, » expliqua Maniel. « Difficile de deviner quoi ?» Bjorn tendit le bras vers une butte, couverte d'une épaisse végétation. « Regardez !» lança-t-il. « Edwin revient ! Il en saura peut-être davantage !» Les chevaux des soldats, habitués à obéir, s'étaient calmés. Mais Ortie se cabra soudain. La longe qui la tenait attachée se rompit, et elle fila à toute allure vers le sud. Maniel voulut partir à sa poursuite. Un appel d'Edwin, qui arrivait au galop, le retint. « Non !» Il pila près du chariot. Il paraissait soucieux et ne prit pas la peine de reprendre son souffle. « Des loups !» annonça-t-il. « Une meute du nord ! D'après leurs hurlements, ils sont affamés et n'hésiteront pas à s'attaquer à des hommes. Nous sommes en danger !» Il scruta les alentours et désigna la lisière d'un bois de sapin à quelques centaines de mètres. « Nous allons nous réfugier là-bas ! Fonçons !» Camille se retourna fréquemment pendant sa course, mais la neige qui tombait plus de rue masquait la vue. Quand ils atteignirent les arbres, Edwin bondit au sol. « Monte !» ordonna-t-il à Camille en désignant un conifère. « Mais ne discute pas ! Les loups du Nord sont aussi redoutables que les ogres ! Il faut nous mettre en sécurité !» Camille se tut et attrapa la première branche. Elle se hissa sans encombre jusqu'à une hauteur qu'elle jugea suffisante et se cala sur une fourche. Edwin lui lança trois sacs qu'elle coinça tant bien que mal près d'elle, tandis que Maître Douaume escaladait péniblement un autre tronc aux branches basses. Bjorn et Maniel, suivant les ordres d'Edwin, avaient libéré Cocotte et Bourrichon. « Laissons partir les chevaux !» commanda Edwin d'un ton pressant. « Nous attendrons les loups ici, pour les inciter à nous attaquer et donner aux montures le temps de s'échapper. Quand je vous le dirai, il faudra monter dans les arbres. Nous n'avons aucune chance en les affrontant directement. Il ne s'agit que de les retarder, compris ?» Joignant le geste à la parole, il donna une tape à son cheval. L'animal qui piaffait, de plus en plus nerveux, partit au galop, suivi des deux bêtes de trait et des étalons des soldats. Aquarelle leva la tête vers sa maîtresse comme pour la supplier de s'enfuir avec elle. « Galope, Aquarelle, galope !» cria Camille. « Les loups arrivent !» L'ordre, ajouté au coup qu'Edwin lui porta sur la croupe, fit bondir la jument. Sans plus hésiter, elle s'élança à la suite des autres. Il était temps. Les premiers hurlements s'élevèrent et Camille sentit son cœur se serrer. Le cri des bêtes sauvages réveillait en elle une peur ancestrale qui lui donnait envie de se terrer. La plainte monta, lancinante, jusqu'à occuper tout l'espace sonore, puis décrut et s'éteignit. Debout au pied des arbres, Bjorn et Maniel étreignirent anxieusement leurs armes, tandis qu'Edwin tentait de percer du regard l'air que la neige opacifiait. Soudain, le galop d'un cheval se dirigeant vers eux retentit, en contrepoint de la clameur des loups. Le champ de vision de Camille, perché sur son arbre, ne dépassait pas 300 mètres. Ce fut pourtant elle qui, la première, discerna deux cavaliers qui fonçaient dans leur direction, sur la même monture. Ils étaient talonnés par une meute de formes sombres et bondissantes qu'elle n'identifia pas immédiatement tant elles étaient massives et rapides. Des loups. Ils n'avaient qu'un lointain rapport avec les bêtes captives rencontrées dans les eaux de son enfance et qu'elle avait toujours comparées à des chiens faméliques à moitié endormis. Le meneur, un animal de plus d'un mètre au garrot, le poil noir comme la nuit, était tout proche des fugitifs. Encore quelques secondes et ses crocs se refermeraient sur les jarrets du cheval. Camille plissa les yeux, essayant de percer l'identité des cavaliers. Lorsqu'elle y parvint, elle faillit tomber de surprise. Elle se retint de justesse et s'écria : « C'est Salim ! C'est Salim et Elana !»